Levez, levez, levez, levez. Le président Sergio Polo est là. Il chante, écoutez. Je n'ai pas envie. André Lamis, la plus belle. Je n'ai pas envie. Niop Mart. Je n'ai pas envie. Jackie Ekedi, Niamet. Je n'ai pas envie. Sangou Noël. L'envie de te voir, oh, l'envie de t'embrasser. T'envoie dans mes bras, l'envie de te faire quelques câlins. Je n'ai pas envie. Le Titan Club. Je n'ai pas envie. Black and White à Paris. Je n'ai pas envie. L'Opéra à Douala. Je n'ai pas envie. Le Coladera. L'envie de te voir, oh, l'envie de t'embrasser. Mes bras, l'envie de te faire quelques câlins. DJ Pat Cool, René Kifula en Suisse. Naïbeni Yongano Pepe Bukate Nyongango. Oulongo Oscar, le tout puissant. Naïbeni Yongano Pepe Bukate Nyongango Indolo. Alain Likoun. Nyongango, ah ah, Virginie. Donne-moi juste un peu, ça me suffit. Oh. Deslim JIF, London. Naïbeni Nyongano Pepe Bukate Nyongango Indolo. Nyongango, ah ah, Virginie. Donne-moi juste un peu, ça me suffit. Oh. Jean-Claude Kouta, Sissa Roma. Je n'ai pas envie. Amuna Moto Mbana Wewe. Je n'ai pas envie. Virginie Nyandolo. Je n'ai pas envie. Amuna Lotina Toto Wewe. Je n'ai pas envie. Virginie Nyandolo. Alain Mami, DJ Pat Cool. Yonta John, mon ami. Depuis longtemps que t'es pas là, j'arrive plus à trouver mon sommeil. Moule maman, bobon de baye nanga we bonde nanou pepe. Depuis longtemps que t'es pas là, j'arrive plus à trouver mon sommeil. Moule maman, bobon de baye nanga we bonde nanou pepe. Cameroun, je n'ai pas envie. Amon amou tomba na we we. Je n'ai pas envie. Chantal Nyandolo. Samuel Ibanda, Emmanuel Bidjeke, le manager des artistes parisiens. Mais depuis longtemps que t'es pas là, j'arrive plus à trouver mon sommeil. Moule maman, bobon demba et nanga we bonde nanou pepe Cameroun. Je n'ai pas envie. Amona moto mba na we we. Je n'ai pas envie. Chantal Nyandolo. Eh, mon mami we. Senge mandole. Ah, ah, ah, wo, wo. Allô, si tu m'entends, réponds-moi. Si tu es à Paris, dis-moi. Si tu es au Cameroun, n'abandonne-moi. Mado coiffure de Lille, Dédé Black and White. Allô, allô, allô, si tu m'entends, réponds-moi. Si tu es à Milan, dis-moi. Si tu es à Niamey, n'abandonne-moi. Où es-tu, chérie? Soube, comment? Où est-tu? Le mannequin Jean-Pierre Sa, la grosse pointure. Jean-Louis Messant de la Suisse, le plus beau. Mon gars, mon mani, prend pas au Nyolango. Ma kata ma mene na si bamba au hipepe. Dans la loba na saigne te ouae. Na paneti wongo na woye. Où es-tu, chérie? Sima, koma, wale, nanga, wale, koma, wale, sima, wale, numa, wale, swala, nama, wale. Où es-tu, chérie? Wale, suma, nanga, koma, wale. Où es-tu, bébé? Sima, wale, nanga, koma, pumwa. Oko la dera, ça danse. À l'opéra, ça danse. À la sans acheter et yébé le bogo. Sopa, nyangwa, koma, wale, sepa, nyangwa. Nyangwa, sopa, nyangwa, koma, wale, sopa, nyangwa, koma, wale, sopa, nyangwa, sopa, nyangwa, sopa, nyangwa, sopa, nyangwa, nyangwa, mongele, mon mani, bamba, Seigneur.